couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur fadjet.net pour votre demi-heure bonne humeur. Bon appétit si vous nous écoutez samedi 13h et dimanche à midi. Pierre au micro, vous le savez, votre corps est en train de se nourrir. C'est l'heure de l'apéro ou de manger. Votre estomac, votre palais, tout est contenté. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ça. On va vous nourrir aussi, mais on va nourrir votre âme, votre cœur, votre énergie spirituelle, énergie de vie. On va vous apporter plein de beaux messages, de l'amour peut-être, parce que je vous aime toujours. D'ailleurs, vous allez aimer la page Facebook Fadjet-du-6 couleur locale en retour, puisque je ne veux pas d'amour à sens unique. Et je divague déjà, vous me connaissez, couleur locale, Pierre au micro. On est d'ailleurs avec... une artiste qui a plein de talents et qui va vous proposer, en tout cas vous teaser, le voyage qui est le sien, l'univers qu'elle a créé. Nous sommes avec Anka. Ça va ? Ça va très bien, merci. Super. Bonjour à tout le monde. Très belle voix déjà, parmi merci. D'autres surprises que vous allez pouvoir entendre durant cette émission. Donc toi, tu es une artiste aux multiples talents. Tu as fait du conservatoire, tu as fait plein de choses et tu as un spectacle. C'est ça. Alors, il y a 3 ans, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Le Réveil de Démétria. Il est étiqueté jeune public, mais pour moi, il est plutôt familial parce qu'il prône des valeurs de vivre ensemble. Et du coup, il n'y a pas forcément que les enfants qui ont besoin de vivre ensemble, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Vivons ensemble. Le Réveil de Démétria, ça donne déjà envie avec des visuels. Je crois que c'est toi qui les fais en plus. Oui. Alors, j'ai été aidée par quelques amis qui ont mis en forme, la plupart des visuels, c'est moi qui les ai créés, puisque je peins, je dessine aussi, j'ai créé les décors du spectacle. Peinture, dessin, chant, guitare et d'autres surprises à découvrir durant cette émission. Tu es sur Facebook, Anka, artiste polymorphe. Alors ça m'intéresse bien de comprendre ce que ça veut dire. Alors, c'est... important pour moi ce mot polymorphe parce qu'on me pose toujours la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on a cette idée de multiforme, justement, de D'accord. quelque chose de multiple. Donc, on n'est pas dans une étiquette, forcément, comme on peut avoir beaucoup d'étiquettes différentes dans notre société. Donc, c'est l'idée d'avoir plusieurs formes, plusieurs compétences et en même temps d'être en mouvement parce qu'on... On est des gens, on est des êtres en mouvement, on a tout à créer en fait dans notre vie et petit à petit on change, on se transforme et donc voilà, il y a aussi l'idée d'évolution dans ce mot polymorphe. L'idée d'évolution, de réveil aussi. De réveil aussi, voilà. Alors on va parler évidemment du réveil de Démétria, on dira pas tout puisqu'on va vous inviter à te voir, il y aura une date en Lorraine à annoncer en fin d'émission. Je vais revenir déjà sur le nom. Anka, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça a un lien avec ce spectacle ? Alors, Anka, ça m'a plu, ce nom de scène, parce que il y a plusieurs origines étymologiques. Il y a une origine norvégienne qui signifie « celle qui chante ». Au moins, c'est facile. Et il y a une origine qui est issue de l'hébreu, qui signifie la bonté, tout ce qui est du domaine de favoriser les choses à se faire. Donc, je trouve que c'est extrêmement positif comme message. Et en plus, c'est un prénom qui a voyagé, parce que donc, j'ai fait un petit peu des recherches. Il est présent en Europe de l'Est, il peut être présent aux États-Unis. Et en même temps, c'est un prénom rare. Donc, il y a cette idée à la fois de voyage et cette idée à la fois d'interpeller, parce que il est à l'image de mon spectacle, tous les prénoms des personnages de mon histoire sont des prénoms qui ont voyagé, qui ont des origines arabes, qui ont des origines grecques, voilà, qui sont inspirés aussi un petit peu de la mythologie. Donc j'aime bien cette idée d'un prénom qui voyage, d'un prénom qui n'est pas identifié forcément à un pays pour que les gens puissent s'identifier au personnage aussi. Alors en parlant de personnage, on parle de Démétria qui vit dans une grande forêt avec sa famille. C'est le début du pitch du réveil de Démétria. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce spectacle, sur l'histoire ? Oui, alors l'histoire se déroule dans une forêt magique la forêt des 50 bruits. Alors pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que le chêne, le grand chêne, le chêne millénaire, c'est un arbre qui, un petit peu à la façon d'un lion dans la jungle, c'est le chef d'orchestre de la forêt. Et donc quand le vent s'engouffre dans ses branches, il y a une multitude de sons qui se mettent en place et tous les autres arbres de la forêt se relient à lui et chantent en harmonie avec lui. Et il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les êtres vivants qui la composent, cette forêt, notamment la famille de Démétria. Voilà, donc c'est une grande forêt et donc c'est le chef d'orchestre et ce chêne est également la maison de la famille de Démétria, c'est-à-dire qu'ils vivent à l'intérieur. C'est une grande famille composée des parents, donc Réma qui est pédiatre, Klaus le père qui est horloger, et ils ont quatre enfants, donc Asena qui est artiste, Edel qui est un collectionneur, Zeid qui est un champion de tir à l'arc, et Démétria qui est elle une fan de lecture, de déguisement, de tout un tas de choses dont je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut donner envie aussi de venir voir le spectacle. Et puis, il y a aussi la chienne de la famille, Tempête. Voilà, c'est une grande famille qui vit dans un chêne, donc c'est un monde un petit peu magique. Et j'essaye de proposer un petit moment d'évasion pendant 50 minutes de spectacle où les gens peuvent participer. Donc c'est ça aussi la force du spectacle et peut-être son intérêt. À savoir que moi, ça me permet d'avoir dans ce spectacle vivant à chaque fois un petit challenge, à chaque fois un public différent et de pouvoir aussi m'adapter à cet écosystème propre à chaque spectacle. Un écosystème qui commence par un chêne millénaire. Je crois qu'il y a un titre, une chanson qu'on va avoir l'occasion d'écouter un extrait assez surprenant en plus en live, si tu le veux bien. Je suis un chêne millénaire. J'ai toutes les nuances de vert. La forêt, ma famille, ma mère. De ma terre, je suis propriétaire. Eh, franchement, ça envoie pas du pâté quand même. C'est beatbox. Là, d'un coup, comme ça. Alors ça, c'est un choix intéressant. On n'en reçoit pas beaucoup. Sur Fadjet, on n'en voit pas beaucoup. Pourquoi ce choix avec toutes les cordes que tu as à ton arc à côté? Bah justement, il y a un côté très ancré dans les percussions que moi j'aime beaucoup. Très ancré comme le chêne, comme la forêt, quelque chose de terre à terre, quelque chose de profond, quelque chose qui vient du cœur, du corps, presque du centre de la terre, qui est commun à toute la musique du monde entier. Et donc, il y a à la fois ce côté percussion et il y a à la fois ce côté voix qui est très présent dans mon spectacle et qui moi me plaît beaucoup. Donc il y a cette partie rythmique qui est très présente puisque j'ai un looper sur scène, j'ai des petits instruments de percussion. Et en même temps, il y a quand même une grande place qui est faite à la voix parce que moi j'ai tout un parcours de chant choral derrière moi. Et donc ce parcours choral m'a suivi tout au long de mon projet d'artiste et ressort aussi dans mon spectacle avec cette idée de participation, cette idée de multi-harmonie qui, moi, m'intéresse. Quoi. On n'est pas tout seul à faire de la musique, on est plusieurs. Et donc, cet aspect choral ressort aussi par cet intermédiaire-là. Donc, voilà pourquoi le beatbox. C'est une réponse tout à fait satisfaisante. On est avec Anka sur Fadjet dans Couleur de Cal. Et même si ce n'avait pas été satisfaisant, c'est à la réponse. Alors, c'est comme ça. Chers auditeurs au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net. Tu es sur YouTube également. Il y a le clip de la musique qu'on va écouter qui s'intitule « Vivre ». Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière « Vivre » ? Alors, « Vivre », oui, « Vivre ». Aujourd'hui, c'est un mot et c'est un mot tellement important, c'est-à-dire « Vivre tel que l'on est, vivre en trouvant une place dans la société dans laquelle on habite, vivre en trouvant un sens à son existence ». Donc tout ça, c'est un mot qui est lourd de sens et en même temps qui est très important pour moi parce que j'ai démarré ma carrière artistique en janvier 2022. Donc ça fait très peu de temps. Effectivement. Et ce spectacle, il mature presque depuis que je suis née, quoi. J'ai l'impression, en fait. C'était en toi. C'était en moi et il est sorti maintenant parce que je pense que c'était le bon moment, parce que j'étais en train de me poser cette question. Moi,

ma chance. Je ne demande pas grand chose, qu'on comprenne mon urgence. Vivre. Et jouer, et danser, et rêver. Vivre de Anka sur Fadjet dans Couleur Locale, une musique issue de ton spectacle Le Réveil de Démétria. C'est beau, j'aime bien ce prénom Démétria. Oui, moi aussi. C'est beaucoup. Un très beau choix. Alors Démétria, pour la petite histoire, parce que j'aime bien aussi les symboles et les origines, l'étymologie. C'est une déesse non grecque, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le dérivé de Déméter, la déesse grecque de l'agriculture et de la nature. C'est magnifique. Beaucoup d'émotions avec toi sur Fadjet dans Couleur Locale. En tout cas, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que l'émission sera rediffusée en podcast dimanche à 18h sur Onshore. Donc, vous n'avez rien raté, en fait. Vous rattraperez en cours de route. Alors, sur Le Réveil de Démétria, tu es toute seule sur scène ? C'est ça, je suis toute seule, la femme orchestre. La femme orchestre. Donc, tu alternes entre ton chant, ta guitare, du beatbox. Tu dis que tu as des percussions. J'ai des percussions, j'ai du théâtre, parce que c'est un spectacle musical. Donc, il y a l'histoire, il y a la musique, il y a de la guitare, des petites percussions, de la voix, du looper... Il y a tout un tas de choses. Et il y a aussi une participation publique, puisque j'utilise le public pour créer de la musique en direct. Donc le public a une participation aussi dans la musique. Alors sans spoiler trop le spectacle, donne-nous une orientation. Tu leur demandes une note, tu leur fais chanter, je ne sais pas, un la-la-la, quelque chose comme ça. C'est très naïf hein, ce que je pose comme question. Mais... Alors il y a, par exemple, dans le chêne millénaire, il y a tout un tas de bruits d'oiseaux. D'accord. Donc le chêne étant le chef d'orchestre de la forêt, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a tout un tas de petits bruits que les enfants et les grands peuvent faire, à savoir on a la chouette, ouh, ouh, on a le merle, on a le coucou, coucou, coucou. Et on a quelque chose qui fait beaucoup rire les enfants parce que ça se rapporte un peu à un cri, c'est le rapace. Voilà. Moi, ça m'a fait rire aussi, donc du coup. Et donc du coup, tu leur fais participer, par exemple, à ce moment-là, sur les cris d'oiseaux. C'est ces bruitages-là. Alors après, l'idée, c'est pas non plus d'imposer hein, forcément un moment. L'idée, c'est de créer aussi un tapis sonore. C'est-à-dire que moi, aimant beaucoup aussi l'improvisation, je sais que dans plusieurs de mes spectacles, il y a déjà eu des propositions sonores qui ont été faites par des jeunes ou par des plus âgés et des propositions que j'ai ensuite gardées, à savoir des moments où moi j'attendais pas du tout tel ou tel son, pas du tout tel ou tel bruit. Et donc c'est ça aussi le spectacle vivant, c'est d'être surpris et qui est vraiment un échange entre le public et moi, puisque étant aussi sur scène toute seule, là je suis avec les gens, c'est pas un cours magistral, quoi. C'est pas un spectacle où on écoute, c'est un spectacle où on participe, où on vit les choses ensemble. Et donc il y a ces petits bruitages là, mais il y a aussi les bruitages des parents. Donc il y a par exemple l'horloger, et puis il y a la pédiatre. Donc je m'amuse beaucoup. Ça doit être un sacré bordel des fois, j'imagine quand même. Ben, au contraire, non, parce non, que justement, moi, le chêne fait bien son boulot de chef d'orchestre. Exactement, parce qu'il y a quelque chose d'assez fantastique. J'ai le sentiment que les gens n'ont plus forcément l'habitude qu'on leur laisse la possibilité d'eux. D'accord. Et donc, moi, j'ai le sentiment que même parfois, ils osent à moitié. Ouais, mais ça connecte quand même avec leur part d'enfant. Et donc, vu que la chanson du chêne, c'est la première des chansons du spectacle, en fait, ça dit à tout le monde, bon, bah, c'est bon, n'ayez pas peur, moi, je suis aussi ridicule que vous. Et donc, on peut y aller, quoi. On peut s'amuser ensemble et vous pouvez vous reconnecter à votre petit enfant intérieur. Il y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, du coup, petit à petit, les gens, en fait, se lâchent, si je puis dire. Et le spectacle évolue, c'est-à-dire qu'il est très, très bruitage au départ. Et plus on avance dans l'histoire, et plus il y a des questions existentielles qui sont posées, et plus il peut y avoir des adolescents ou des adultes qui se reconnaissent dans l'histoire. Voilà, il y a, disons, plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau plutôt enfant, qui est plutôt concentré sur la musique, sur les décors, et puis il y a une deuxième lecture plus adulte, avec des questions beaucoup plus profondes et philosophiques. Alors tu as fait quand même un choix que je trouve assez osé et intéressant, de proposer un spectacle participatif avec une histoire qui propose, qui annonce des questionnements. C'est pas forcément ce genre de choses que beaucoup de personnes vont chercher en allant voir un spectacle. Donc chapeau à toi, je trouve vraiment c'est une très belle initiative. Et j'ai même le sentiment que la difficulté peut être de proposer quelque chose de tellement tellement différent qu'on passerait presque pour une sorcière, quelque part. Belle transition. Bah, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que j'ai des questionnements, des choses qui m'habitent, qui sont propres à mon histoire, qui sont très liées à l'acceptation des différences, telles qu'elles soient, notamment. Et donc, il y a ce côté étiquette dans la société dont j'ai parlé tout à l'heure qui moi, je trouve parfois est pesant. Et donc, c'est la chanson de la sorcière, en fait. Voilà. Parce que la sorcière, c'est un personnage de conte qui est indispensable. Et en même temps, dans l'histoire, dans le réveil de Démétria, cette sorcière, au départ, ne se définit pas comme sorcière. D'accord. Elle se définit comme une ermite. Une ermite qui a choisi une vie d'ermite, qui a choisi de s'isoler au fond des bois, qui a choisi de ne pas avoir d'enfants, qui a choisi de ne pas avoir de contact avec ses parents, de troquer les choses plutôt que de les payer avec de l'argent. Enfin, c'est tout un modèle qu'elle a choisi. Mais sa différence, son choix n'est pas compris par l'ensemble des gens. Et donc, l'ensemble des gens la qualifie de sorcière. Et c'est le titre de la musique qu'on va écouter tout de suite avec Anka sur Fadjet dans Couleurs Locales. Ton pas me laisser tranquille, moi qui vis si loin de la ville, qui a choisi le fond des bois. Sorcière de Anka sur Fadjet dans Couleur Locale, le troisième morceau qu'on a l'occasion d'écouter pour cette émission, que vous nous écoutiez samedi ou dimanche. Si vous mangez encore, bon appétit. Nous, on est encore avec vous pour à peu près 7 minutes, je crois. 7 minutes avec notre artiste polymorphe, autrice. Et oui, je dis autrice, je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut dire, mais je dis autrice du spectacle Le Réveil de Démétria. Si, si, disons-le. Disons-le quand même. Disons-le. Disons-le parce que... Je suis très fière d'être une femme qui porte évidemment. Tous ces messages-là et qui a créé les choses et de pouvoir le dire haut et fort et de laisser la place, même si j'ai absolument rien contre mes homologues masculins. Bien sûr. Je suis très contente de pouvoir le dire. Et de devenir aussi toi-même, pour refaire des transitions peut-être un peu, c'était un peu tôt la chère auditeur, mais c'est le dernier morceau qu'on écoutera et on en parlera. On va parler également d'une prochaine date qu'on va promouvoir pour pouvoir te voir, mais avant je vais te soumettre un petit jeu. Ah. Un jeu auquel je soumets certains de mes invités, pas tous, tu fais partie de l'élite. Oh là. Je vais te donner deux situations et tu vas me dire laquelle des deux t'inspirerait le plus pour écrire ces si jolies histoires porteuses de sens que tu écris. L'une ou l'autre, ou aucune des deux. C'est possible aussi. Est-ce que tu veux jouer ? Allez, on y va. Tu rentres d'une tournée. Tu es éreinté. Tu es dans un train. Le soleil se couche. Tu entends le cliquetis des rails. Et je ne sais pas, ce son à la fois fort mais doux, cette douce oxymore, et ce soleil qui se couche, cette espèce de fin d'un voyage, mais tout en sachant qu'il y en aura un nouveau, t'inspire une chanson, une idée. Tu vois à peu près, le soleil se couche, le train qui avance. C'est marrant quand même, le train avance, mais le soleil se couche. Il y a quelque chose d'assez poétique. Ou, tu te réveilles en pleine nuit. Il est, je ne sais pas, 3h, 4h du matin. Tu as eu un beau rêve. Et tu sais, comme toutes les rêveuses et tous les rêveurs, qu'un rêve a tendance à s'estomper quelques secondes après le réveil. Et pourtant, ce rêve-là, il t'a marqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une mélodie. Peut-être un nouveau personnage, une image, une nouvelle histoire. Et tu sors un carnet, tu sors ton téléphone. Et tu notes pour ne pas oublier. Alors, plutôt coucher de soleil à bord d'un train, réveil nocturne d'un rêve qu'on ne veut pas perdre, les deux, aucun des deux, la parole est à toi. Eh ben, c'est pas facile de choisir entre les deux, mais j'aurais quand même une préférence pour le train, parce que le train avance, parce que tout de suite ça me fait imaginer quelque chose de très bruité, avec le tchouk tchouk tchouk. Et en plus, on a le bruitage, quoi. C'est magnifique. Et puis, le coucher de soleil, c'est aussi l'idée que, voilà, que les choses se couchent là, le soir, mais que le lendemain, il y a quelque chose d'autre qui naît. Et ce train qui avance, c'est aussi un petit peu la symbolique quand même de la vie. C'est-à-dire, on ne retourne pas en arrière, on avance. Mmh. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant, mais il n'y a presque que nous qui le savons, sauf... si on décide de travailler là-dessus et qu'on est en paix avec soi-même. Mais le train avance et on va vers notre avenir, notre devenir, ce qu'on doit être. Et donc j'aime bien cette idée-là du train qui avance, du bruitage, de la rencontre que peut apporter aussi les voyages en train. Voilà. Et par rapport aux rêves, moi je suis quelqu'un qui... a beaucoup d'imagination, mais bizarrement qui rêve très peu. Ou du moins qui ne me rappelle pas de mes rêves. Donc j'espère qu'un jour, j'aurai un beau rêve à raconter. Tu auras un beau rêve à raconter. Tu parlais de rencontre avec le train. Nous, on t'a rencontré sur Fadjet dans Couleur Locale et on est très ravis de t'avoir reçu. Mais la rencontre, c'est aussi la rencontre déjà sur les réseaux sociaux. Il faut suivre, soutenir le projet. Sur Facebook, Anka Artiste Polymorphe, sur YouTube avec le clip de Vivre qu'on a écouté. Instagram aussi, dans mon oreillette quelqu'un me dit Instagram, donc on a Instagram très très bien avec des jolis dessins. Bah, en plus je crois que j'ai liké, je suis pas un Instagrammeur chers auditeurs. Et puis il y a la rencontre en physique et ça va se passer le mercredi 8 février à il y a toujours des hautes et des grandes dans ces villes là, un peu bizarre, c'est ta prochaine date. Tout à fait, à 15h, donc à la MJC La Pépinière. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai, tous les Lorrains et Lorraines qui le souhaitent. C'est un message pour vous, chère Lorraine et chers Lorrains. Merci à toi d'avoir participé à cette émission. On va se laisser sur un dernier morceau, un message fort, puisque ce morceau s'intitule... Devenir soi-même, devenir moi-même. Devenir moi-même. Ça parle de quoi ? J'imagine que c'est dans le texte, non ? Bon, un petit peu. Ça parle d'une renaissance. Ça parle de s'accepter tel que l'on est. Ça parle de travailler sur soi pour se dire voilà, je suis comme ça. Et peut-être que c'est comme ça que je suis parfait ou parfaite. Parfaite. Merci à toi. Merci beaucoup. Devenir moi-même demain cas sur Fadjet dans Couleur Locale, le podcast dimanche à 18h. Et je vous retrouve le week-end prochain avec un nouvel artiste. Devenir moi-même, tout stratagème, tout stratagème. Devenir moi-même.